descend sur le sentier de son palais stédélié, puis m'aperçoit, ses yeux s'éclairent, s'approche en longeant la rivière. Le vent joueur sculpte ses seins, joue sur son corps une partition d'accords de mineurs que j'écrirai bien de mes mains. Joanne m'emmène dans son repère, là où les eaux sont plus profondes. Nos rires résonnent et se répondent, et nous glissons dans les ondes. Dans le dédale de ta vie, les jours ont-ils creusé l'oubli? Moi j'emmène les images d'hier, des heures au bord de la rivière. Et dans le dédale de Paris, dans l'éphémère, tout s'accélère. 15 ans après, sommes-nous plus forts? Est-ce que nos voix résonnent encore? Joanne m'emmène dans son repère, là où les eaux sont plus profondes. Nos rires résonnent et se répondent, et nous glissons dans les sons. Joanne m'emmène dans son repère, là où les eaux sont plus profondes. Nos rires résonnent et se répondent, et nous glissons dans les ondes.